De la même façon qu'on reconnaissait un paysage dans l'ombre grandissante qui l'engloutit, Serena reconnaissait sa vie à travers la lente dégénérescence qui s'en emparait. Il y avait eu l'état de grâce, elle ne parvenait pas à s'empêcher d'y penser, comme si ce souvenir, plus brillant que les autres, s'imposait à elle avec plus d'évidence. La grâce était ternie, et il ne restait d'elle que des fragments incohérents qui scintillaient parfois, ironiques, au milieu du désastre, comme des parcelles de peau restées douces sur un corps ayant subi une horrible métamorphose. Elle pensait à tout cela, à la mortalité des choses, à la joie de vivre oubliée, à son âme déserte. « Léandri, » murmura-t-elle. Le vieil homme la regardait sans parler depuis un moment. Il n'avait pas besoin de l'entendre pour connaître l'exacte tonalité de son état psychique. L'abandon de sa position, l'inclinaison pensive de sa tête, la fatigue immense qui paraissait l'accabler, lui suffisaient pour savoir qu'elle était en deuil. « Oui, » s'obligea-t-il à dire. « Brug ne m'aime plus. C'est ainsi. Les gens se lassent, ils s'éloignent, ils se ferment. Il n'y a rien à faire contre ça. Il t'a beaucoup aimé, » dit-il. Elle tourna la tête vers lui et lui sourit avec la tendresse particulière qu'il lui adressait parfois et qu'il ne l'avait jamais vu adresser à personne d'autre. « Vous avez toujours ce don de trouver la seule phrase qui ne soit pas insupportablement superficielle, » dit-elle. « Mais l'amour que les hommes portent aux femmes est tellement accidentel. La prochaine femme qu'il aimera sera sans doute à l'exact opposé de ce que je suis, et je ne comprendrai pas. L'amour que nous portons aux gens n'est-il pas toujours accidentel ?»« Non, » dit-elle avec force. « Je l'aime pour son intelligence, pour sa rébellion. Ce ne sont pas des qualités accidentelles. » Léandri sourit. Il se demanda comment un homme aussi fin que Brug pouvait délibérément passer à côté d'elle. Il songea que c'était elle qui l'eût aimé lui-même s'il n'avait pas eu 40 années de trop, que c'était elle qui l'aimait, peut-être, malgré les années. « Et moi, pourquoi est-ce que tu m'aimes ?» demanda-t-il humblement. « Pour votre sagesse et pour votre bonté. Parce que j'aime vous entendre parler des choses, parce que j'aime recevoir ce que vous avez envie de me donner. » Ils échangèrent un sourire long et triste. « Il y a deux sortes d'amour, » dit-il. Celui qui exalte et qui finit par faire souffrir, et celui qui apaise. Personne ne m'a jamais aimé avec exaltation, personne n'a jamais souffert pour moi. Et moi, j'ai toujours souffert pour les autres, dit-elle en continuant à sourire. C'est pour ça que nous nous apaisons mutuellement. Il saisit une cigarette de ses doigts noueux, qui tremblait un peu plus depuis les derniers mois. Vous fumez trop, remarqua-t-elle sans conviction. Il faut bien mourir de quelque chose. Il y eut un silence où ce fut au tour de Serena de contempler le visage de son amie, qui était tourné vers un intérieur obscur. Elle savait la maladie qui le rongeait, mais il n'en parlait jamais, comme pour la tenir à distance. « Vous m'aviez promis de m'enseigner ce que vous savez, » dit-elle gravement. Il leva la tête. « Je ne sais pas si le moment est venu. C'est un savoir qui te mettra en danger. »« Mais je suis en danger, » protesta-t-elle, « en danger de dissolution. » « Vous ne voyez pas autour de moi le sens qui se dilue, qui s'échappe ?»« Si. C'est une hémorragie mortelle ici, vous le savez très bien. Je n'ai rien d'autre que lui et vous. Vous devez me laisser quelque chose. » Léandri, à cette évocation voilée de sa propre disparition, ressentit une faiblesse, une émotion profonde. Il prenait soudain conscience que sa mort signifiait aussi leur séparation, et s'en voulait de ne pas en avoir pris conscience avec elle. « Que veux-tu savoir, Serena ?» « Je veux savoir ce qui arrive à ceux qui disparaissent. Je veux savoir pourquoi nous sommes là à tourner en rond. Je veux savoir s'il y a un moyen de sortir. Je veux savoir ce qui existe ailleurs. Je veux tout savoir. » Il y avait une lueur nouvelle dans son visage qui était tout à l'heure défait, et il sut qu'elle faisait déjà, avant même de savoir, partie des leurs. Il reconnaissait dans sa voix une soif qu'il avait oubliée, cette soif ardente qui ne lui laissait bientôt plus de repos. Cette soif de poison qui l'entraînerait au-delà d'elle-même, sans possible retour. Il ne faut plus tenir à rien pour s'engager sur cette voie. Il faut être prêt à se taire, à renoncer à ceux qu'on aime, à mourir. « Je sais tout cela, » dit-elle avec impatience. « Je ne m'attends pas à une partie de plaisir. » Il soupira. « Il est difficile de mettre cela entre les autres et soi. Tu seras seul. Tu ne pourras plus compter sur ta sœur, ni sur Brug. » Elle demeura silencieuse et soutint son regard. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il d'une voix sombre où résonnait tout à coup une extrême lassitude.